de siècle dans la gueule et puis prendre un quart de vin, prendre un quart de joint dans la gueule et puis perdre un carré d'as.